À ce qu'il paraît, je viens d'une province. Paumé dans une entrepartie de pétanque, bibine à me faire dorer la plume au soleil. On déballe sur nous-mêmes, tourner des bars toulousains. À l'heure où la ville ressendort, on a plus que le rap pour vous plaindre. Pour ma fratrie du 31, artiste et grand rêveur. Pour cette poignée de punch, j'ai soigné ma rime à la pince, mon seigneur. Parti pour prendre les rênes, j'ai préféré noyer ma rage dans l'encre plutôt que dans le pastis 51. Viens faire un tour dans mon percail, néfaste. Comme on merde à l'aise, donc les putes parler, car ici même les ragots ne pèsent pas. Comme dirait Banis, et Chugaro Zetla, je te parlerai de mon pays, mon terroir, la terre, Nougaro Zebda. J'ai repoussé mes limites sans avoir trouvé l'équilibre. Je viens de loin ma gueule pour cramer Toulouse et le bikini. Rien à gagner, peut-être bien mes couilles à perdre. Je suis le cheveu dans leur bouillabaisse. Voilà pourquoi je suis sourd et pessimiste. Je vis dans mes rêves, mon cocon, ma colère approche, voir garçon. Essaie de retirer ce pilon de mes lèvres. J'ai une putain de vision très nette et précise sur mon sud. Car mon sud n'est pas celui de Fernandel ou de Nino Ferrer. Ce ne sont rien d'autre que les déboires d'un MC Patraque. Il est soir ainsi, chaque phase, un chien à trois pattes. Navré les frères, si depuis j'écoute plus la psychiatra. Car tu sais, même ici, les enfants de la lune ont une pipe à craque. J'ai grandi entre les freestyles et les scènes. Je vous apporte un peu de couleur quand le Mistral fait les siennes. Divers, 20 mots, j'en fais une tapenade. Bim bam bastard, give me 5, alors tape là.